crâne se réveiller, c'est en moi qu'il sommeillait. Tu connais le blaze, Mugen, inutile que je me présente. Je suis celui qu'on pressent, je représente le présent et le futur du rap. Ma présence est à présent. Au présent est blessant pour ceux qui n'aiment pas le bon son, ceux qui perdent connaissance à la simple vue du sample. M-U-G-E-N, en chair et en sang. Au son cher et d'un certain sens, s'enrichissant. Pas de disque en or, mais une envie de nuire. Ou MC au son merdique qui noie le rap dans les goûts. F-I-E-R, car ce disque en or, votre envie d'ouïr. Du son si éclectique, il y en aura pour tous les goûts. Imprenable et mon fort, il n'a pas de faille. MC, je le jure, sur ma vie comme vaille. Écoute, Mugen, c'est le son d'un samouraï. Un synthé, un mic, comme ça la tiraille, ça les fouraille. Tu connais la musique, mais plus de ça désormais. Je monte le niveau d'un cran et c'est à peine le second. Pas là pour m'amuser, je me battrai même désarmé. Je décimerai désarmé en à peine de secondes. S'il le fallait, donc sa mère, mon son n'est pas de ce monde. Et quand je tire, c'est pour tuer, pas de sommation ni de semence. Des parrains sont ni de ce monstre, disent-ils avant que ça pète. Toxiques sont mes semences, chouette récolte et la tempête. Toujours présent, je mange le mille. Le son d'un samouraï. M-U-G-E-N. Au front effronté, je fous le rap. Sans dessus dessous, je tranche le bif. Sans laisser l'espoir, je ne lâcherai pas les armes. Le microphone est mon sabre et mon âme est animée par la soif de son. T'étonnes pas si je t'insulte, c'est que ton son plus petite pute. Hey petit pouce, toi rien ne brise ma répute. Juste ma bite, si tu parles bête, petite hypocrite, je te répète. Je suis authentique, pas comme tous ces putains d'MC qui se la pète. Je suis cru car frustré, trop de rejet m'ont boosté. C'est à l'aide de rimes amères que mon écreur est illustré. Donc je lutte et je m'illustre. S-A-M O-U-R-A-I, c'est mon putain d'acronyme. Sérieux pour le S, ambitieux pour le A, motivé pour le M, ça tu le sais déjà. Obnubilé par la victoire, voilà pour le O. Des envies, je n'en ai qu'une, c'est de viser le O. Unique pour le U, j'ai la rage pour le R. Anonyme pour le A, de quoi être vénère. J'ai très peu d'inhibition, plus de hargne et d'ambition. Ici bas, je suis en mission et je m'y lance en rémission. Pas une icône ni une idole, mais j'ai plein d'idées pour le I. L'idéal fait que je m'isole pour composer ma musique. Je suis un illuminé, seul dans sa bulle et incompris. Tu l'as compris, personne me suit, mais je poursuis ma lancée seule. Toujours présent, je mange le mille. Le son d'un samouraï. M-U-G-E-N. Au front effronté, je fous le rap. Sans dessus dessous, je tranche le bif. Sans laisser l'espoir, je ne lâcherai pas les armes. Et mon sabre et mon âme est animée par la soif de son. Je suis méfiant pour le M car les disques ne percutent plus. Je suis méchant pour le M car il me persécute plus. Il ne me blesse plus chez moi, c'est pas pour une anime. Mon anonyme à m'anime me pousse à sortir de l'abîme. G pour ma grandeur, E car je m'élève. N pour nos vateurs, ligon sur mes lèvres. Je tranche le vif, ouais tu le devines. Mon putain acronyme c'est M-G-E-N.